on sort notre crash de notre bouche. C'est ce qui nous aide à tenir debout. On vit de petits trafics, cherche du sexe et du fric dans un monde devenu tragique, où les petits sont traqués par des sadiques. Des bourgeois qui cherchent qu'à s'engraisser dans les machines à fric, pendant que la famine fait ravage dans les pays d'Afrique. L'injustice rend ce monde dramatique, bouffé par leurs lois qui poussent les démunis à être asthmatiques. Ils investissent pour des voyages ratés sur la lune, alors que des SDF sont toujours à terre manger et gratter des thunes. Dramatiquement, trop de différences de famille, de rage, de rancune profonde, de mer sur les ondes. Dramatiquement, rien ne résout le carnage, toujours autant de meurtres, de guerres et de familles sous les bombes. Dramatiquement, trop de différences de famille, de rage, de rancune profonde, de mer sur les ondes. Dramatiquement, rien ne résout le carnage, toujours autant de meurtres, de guerres et de familles sous les bombes. Dis-moi où sont les droits de l'homme quand tu vois qu'en Corée du Nord c'est toi. Millions de morts du haut des accords entre le peuple, les lois, et non loin de là, c'est des minots qui tombent, et les fils de bourgeois de leur joie, eux jamais ne succombent. Comment parler de paix, tous les pays sont en guerre, la guerre économique, la guerre informatique, dramatique monde. Ils sont touchés au monde aquatique et les bombes tombent sur l'Irak, tuant des innocents, hommes, femmes, enfants, des journalistes égorgés. Comment 1200, le sang pour être libre, mais tout ça n'est pas écrit dans le Coran ou la Bible. Trop de gens se privent, écrivent en métaphore des livres, vivre dans leur rêve et à présent pour eux je livre des récits, des livres, mon esprit tue. Sale monde cru dans lequel on évolue, j'ai vu les nazis, Hiroshima, Nagasaki, les blancs et le pouvoir qu'ils ont acquis. Je sais pas qui nous sortira de ce maquis, mais je sais qui a le profit des richesses de l'Afrique. Regarde à Angola, un vrai trafic du pétrole, de l'or, mais pas de civilisation, des paroles, pas d'efforts. Et trop de privatisation, la tôle pour confort. Tout marche à l'intimidation, leur procès d'élimination, l'alcool, les armes, la dérision. Dramatiquement, trop de différences de famille, de rage, de rancune profonde, de mer sur les ondes. Dramatiquement, rien ne résout le carnage, toujours autant de meurtres, de guerres et de familles sous les bombes. Dramatiquement, trop de différences de famille, de rage, de rancune profonde, de mer sous les ondes. Dramatiquement, rien ne résout le carnage.